Les fleurs de la mort par Georges Rouvray. J'avais fait la connaissance de Gilbert Sandrin il y a bien des années, 10 ou 12 pour le moins, en revenant du voyage que je venais de faire au Brésil. Il revenait lui-même de la Colombie, et comme nous étions tous deux compatriotes et que nos deux cabines étaient voisines, nous liâmes connaissance. Il m'apprit qu'il était chercheur d'orchidées, et cette profession m'étant jusqu'alors encore absolument inconnue, il voulut bien me donner quelques explications vraiment curieuses. Depuis que l'orchidée est devenue non seulement une fleur à la mode, mais d'un prix élevé en raison même de son exotisme, des explorateurs, les chercheurs d'orchidées, sont partis en quête de variétés nouvelles au milieu des forêts sauvages et inextricables des tropiques. Les trouvailles de ce genre peuvent alors assurer la fortune de ceux qui les font. Les espèces connues qu'ils recueillent pour les envoyer en Europe leur apporte d'ailleurs aussi de beaux bénéfices, bien qu'ils soient plus minimes. Cette profession n'est pas non plus dépourvue de dangers, car la recherche de variétés nouvelles et rares, par conséquent, est souvent la cause de la mort de ces explorateurs au fin fond de quelques pays perdus. Donc, Gilbert Sandrin était un chercheur d'orchidées. Il possédait une petite fortune qui lui permettait de se lancer à l'aventure, et son capital s'augmentait annuellement de gains successifs que lui avait procuré la découverte de quelques orchidées encore inconnues. Il avait beaucoup voyagé et sa conversation était très intéressante. Un jour que nous étions sur le pont, que nous parcourions dans toute sa longueur en nous promenant, je lui demandai s'il avait jamais rencontré de sérieux dangers et quelle était l'aventure la plus angoissante de toute son existence. « J'en ai eu de tristes et d'amusantes. Certaines ont été drôles, d'autres tragiques, mais la plus dramatique de toutes m'arriva il y a quelques années dans l'île de Cuba. C'était aussitôt après la campagne cubaine, et j'avais été averti que les étrangers étaient fort mal vus dans le pays. L'année précédente avait été désastreuse pour moi, car je n'avais trouvé que des orchidées de peu de valeur, et j'avais mangé de l'argent dans ces explorations. Il fallait donc me refaire à tout prix, et comme un explorateur de mes amis m'avait indiqué la présence à Cuba de certaines de ces fleurs étranges, bizarrement teintées et qu'il n'avait jamais rencontrées ailleurs, je résolus coûte que coûte de me rendre dans l'île cubaine. Je n'ai jamais eu peur. J'étais bien armé, je pouvais me risquer. J'étais là-bas depuis une quinzaine environ quand un soir, m'étant égaré dans les bois où je croyais bien avoir à passer la nuit, je rencontrai par hasard un petit village perdu, quelques maisons seulement et une hacienda où je demandai à passer la nuit. On me donna une chambre, on me servit un repas très sommaire que je dévorai de grand appétit, car je mourais littéralement de faim depuis le matin que je courais les bois, et je fumai une dernière cigarette avant d'aller me coucher quand mon attention fut attirée par une musique étrange que j'entendais dans une pièce voisine. C'étaient des Espagnols qui chantaient et dansaient là, en s'accompagnant de tambourins, de guitares et de castagnettes. Pour me changer un peu les idées, et comme les portes étaient grandes ouvertes, je m'approchai pour voir ce spectacle dont j'avais cependant été maintes fois témoin dans les pays où l'élément espagnol est en grand nombre. Les femmes, elles étaient 3, se trouvaient au centre de la pièce, entourées d'un cercle d'admirateurs qui ne leur ménageaient pas les applaudissements. L'une de ces femmes était de toute beauté. Elle était toute jeune et avait le type espagnol bien marqué. La peau de son visage un peu brunie, ses yeux larges et brillants, ses cheveux noirs et cédant d'une blancheur éclatante entre ses lèvres de pourpre, tout cela se trouvait rehaussé encore par des bouquets d'orchidées rouges qui ornaient son corsage. Jamais je n'avais encore vu de fleurs de cette espèce ni de cette teinte toute spéciale. Je ne saurais dire lequel de nous deux, en moi, était sous le charme, du chercheur d'orchidées ou de l'admirateur de cette rare beauté. Elle s'appelait, je l'appris plus tard, Vicenta Fernandez, et chaque fois qu'elle faisait le tour de la salle, en tendant son tambourin pour qu'on y jetât quelques piécettes, je ne manquais jamais de lui offrir mon obole. J'étais peut-être un peu plus généreux que les autres spectateurs, il faut le croire tout au moins, car elle me remerciait de son plus gracieux sourire. Ce manège avait été, paraît-il, remarqué par un des spectateurs, qui n'était autre que le fiancé de Vicenta, Juan Sandras, qui roulait des yeux furibonds. « Je crois vous avoir dit que je ne crains pas le danger. Aussi ne prêtais-je que peu d'attention à ses regards foudroyants. » Comme ce concert et ses danses allaient prendre fin, Vicenta s'approcha une dernière fois de moi, et m'adressant à elle en espagnol, je lui fis des compliments sur la beauté des fleurs qu'elle portait à son corsage et lui demandai où l'on pouvait s'en procurer de semblables. « Pas loin d'ici, dans la forêt. Mais je ne conseille pas au Seigneur d'aller en chercher, » me dit-elle. « Et pourquoi donc, ma belle enfant ? Le Seigneur ne sait peut-être pas que nous appelons ces fleurs les fleurs de la mort. « Non, en effet, je l'ignorais, » répliquai-je. Mais à ce moment, Sandras, que notre conversation avait intrigué, s'était sensiblement rapproché de nous et en entendant mes dernières paroles, il s'écria « Pourquoi dire cela, Vicenta ? Ne te les ai-je pas rapportés moi-même de la forêt et suis-je mort pour cela ? Et si le Seigneur en cherche ? Je sais où il peut s'en procurer, là même où j'ai cueilli celle-ci. » Vicenta, qui avait ri tout d'abord, eut un frisson et insista. « Ne l'écoutez pas, Seigneur. Croyez-moi, ce sont là les fleurs de la mort, et malheur à celui qui cherche à les cueillir. » « Histoire de bonne femme que tout cela !» interrompit vivement Juan Sandras. « Je vous en ferai voir quand vous voudrez, Seigneur, là où vous pourrez en cueillir tout à votre aise. » La tentation était trop forte, car plus je regardais ces orchidées, plus elles me fascinaient par leur beauté. Malgré toutes les objurgations de Vicenta, je résolus d'accepter l'offre qui venait de m'être faite et d'engager les services de Sandras. Il fut convenu qu'il m'accompagnerait le matin pour me conduire dans la forêt, aussitôt après les quelques heures de repos que je désirais prendre, car j'étais très fatigué. Le lendemain, mon guide m'attendait dans la cour de l'hacienda. J'étais prêt, et après un repas frugal, nous partîmes, emportant avec nous quelques provisions, car nous ne devions pas être de retour avant le soir, à une heure assez tardive. Nous quittions l'hacienda, Sandras me précédant de quelques pas, quand je sentis une petite main de femme se poser sur mon bras et j'entendis ces mots murmurer à voix basse. « Puisque le Seigneur veut risquer sa vie, qu'il parte, mais qu'il accepte cette arme. » Et en même temps, on glissait dans ma main un couteau catalan, une de ces armes terribles qu'on appelle des Navarras. J'avais cru reconnaître la voix de la belle Vicenta Fernandez, mais j'eus beau me retourner, je ne l'aperçus nulle part. La femme avait disparu. Je glissai l'arme dans une de mes poches, et au même moment, mon guide, s'étant aperçu que je ne l'avais pas suivi, revenait sur ses pas. « Que le Seigneur se hâte !» me fit-il, « car nous avons encore un bon chemin à parcourir, et il faudrait arriver là-bas avant que la chaleur ne soit trop accablante. » Je le rejoignis aussitôt, et nous nous mîmes en route. Nous marchions depuis plusieurs heures déjà au milieu de la forêt, en nous frayant avec difficulté un chemin parmi toute cette végétation tropicale, quand mon attention fut attirée par un spectacle aussi horrible que curieux. Tout au haut d'un arbre très élevé, je venais d'apercevoir un squelette humain, aux os entièrement décharnés et littéralement crucifié dans les branches. Les bras étaient étendus et les jambes aussi, formant ainsi une parfaite croix de Saint-André. Le squelette se trouvait maintenu dans cette position par tout un enchevêtrement de lianes, parasites de l'arbre, probablement, et qui s'enroulaient pareil à des serpents. Cette vue me fit courir un frisson par tout le corps et je demandai quelques explications à Sandras. L'homme avait maintenant un regard fuyant. On eût dit un coupable qui vient d'être découvert. Le courage lui revint bientôt toutefois, et il me dit que c'était là probablement les restes de quelques chercheurs de plantes, qui avaient dû vouloir escalader cet arbre pour parvenir au faîte. Puis, se trouvant pris soudain dans l'enchevêtrement des lianes, il n'avait pu se dégager et avait été surpris par la mort. Son explication était très plausible. « Quelle fin terrible !» fis-je à Sandras. Et qu'à la fausse torture il a dû souffrir ici, loin de tout secours. Il me semble entendre ses cris de douleur. Éloignons-nous, ce spectacle est trop horrible. » Mon guide s'était tu, et nous reprîmes notre marche en avant. « Est-ce encore bien loin ? » lui demandai-je, car le soleil commençait à être très chaud. « Nous en avons bien encore pour une heure et demie, Seigneur, Mais peut-être le Seigneur préférait-il faire la sieste pendant quelque temps ? Pas encore, mon ami. Nous la ferons plus loin, si nous ne parvenons pas avant jusqu'à l'endroit dont vous m'avez parlé, comme le Seigneur voudra. Et de nouveau, nous luttions pour nous frayer un chemin dans la forêt. Mais la chaleur devenait accablante et m'appesantissait les yeux. La fatigue me prenait aussi et force nous fit bien de nous arrêter. Je remarquai que Sandra se jetait parfois des regards furtifs sur le faîte de certains arbres, mais je n'y fis guère attention sur le moment. « Je sais un endroit où nous serons très bien pour nous reposer, c'est tout près d'ici. »« Soit, lui dis-je, allons là. » Quelques minutes après, nous rencontrions en effet une éclaircie dans les bois, au centre de laquelle s'élevait un grand arbre. D'autres arbres aussi se trouvaient aux environs, mais à une certaine distance. On eût dit que ce géant des bois se trouvait isolé au milieu d'un cercle. Je m'assis au pied de cet arbre, tandis que Sandra se couchait sous un autre, assez loin de moi. Je m'allongeai à mon tour et le sommeil me gagnant, je m'endormis. J'eus d'affreux cauchemars. Il me semblait que d'énormes serpents m'environnaient de tous côtés. C'était effrayant. Un cri terrible me réveilla. Et je vis alors avec horreur que mon rêve était une réalité. Des tentacules géants, descendus de l'arbre à l'abri duquel je me trouvais, m'environnaient de toutes parts et cherchaient à m'enlacer. D'un bond, je fus debout et m'emparant du couteau catalan qui m'avait été donné, je coupai à tort et à travers les tentacules les plus rapprochés de moi. Mais j'allais succomber lorsque j'aperçus une ombre qui venait à mon secours. Je reconnus Vicenta Fernandez, qui, armé d'un couteau également, tailladait de tous côtés. Grâce à elle, je parvins à me dégager. « Les fleurs de la mort, Seigneur, les fleurs de la mort, je vous avais prévenu. » C'était bien, en effet, des lianes géantes, tout ornées de ces magnifiques orchidées rouges que j'avais vues au corsage de Vicenta le soir à la hacienda. Elle m'expliqua alors que ces plantes parasites ne poussaient qu'au de certaines espèces d'arbres. Elles offraient cette particularité que lorsqu'un corps vivant, animal ou humain, se trouvait placé sous l'arbre, elle dégageait un certain parfum qui endormait cet être et, profitant de son sommeil, descendait lentement, l'enlaçait, puis le remontait au faîte de l'arbre. C'était la mort certaine. Je compris tout. Juan Sandras, jaloux de me voir adresser quelques compliments à la jeune fille, avait profité du désir exprimé par moi de me procurer des orchidées rouges semblables à celles de Vicenta. Il avait résolu de me faire mourir de cette atroce manière pour se venger. Il m'avait attiré dans cet endroit, sous cet arbre aux lianes géantes, en ayant soin de se tenir éloigné du cercle dans lequel les lianes descendaient. Puis, me voyant bien endormi, il s'était enfui, laissant les orchidées fatales faire leur œuvre de mort. Vicenta Fernandez, qui savait ce dont mon guide était capable, nous avait suivis et avait été assez heureuse pour me sauver. Nous retournâmes ensemble à l'hacienda, car je ne connaissais pas le chemin et j'aperçus de nouveau le squelette du chercheur de plantes crucifié par les lianes. C'était le sort qui m'était réservé. Jamais je ne revis Juan Sandras, que la jeune fille eut sans doute cruellement puni. Et voilà, mon cher ami, termina Gilbert Sandrin, la plus terrible aventure qui me soit jamais arrivée. Ainsi s'achève Les fleurs de la mort par Georges Rouvray.